une série des X sens, on verra qu'il est fait à chacun la part qu'il mérite, sans préjudice de celle qui lui est faite dans le monde des esprits et que la justice de Dieu n'est jamais interrompue. Toute la souffrance endurée sur terre n'est pas due à l'expiation d'une faute donnée, commise dans des incarnations antérieures. Ce sont souvent de simples épreuves choisies par l'esprit pour achever son épuration et hâter son avancement. Ainsi, l'expiation sert toujours d'épreuve, mais l'épreuve n'est pas toujours une expiation. Mais épreuve ou expiation, ce sont toujours les signes d'une infériorité relative, car ce qui est parfait n'est plus besoin d'être éprouvé. Un esprit peut donc avoir acquis un certain degré d'élévation, mais, voulant avancer encore, il sollicite une mission, une tâche à remplir, dont il sera d'autant plus récompensé s'il en sort victorieux. Pour que les hommes soient heureux sur la terre, il faut qu'elle ne soit peuplée que de bons esprits incarnés et désincarnés qui ne voudront que le bien. Ce temps étant arrivé, une grande émigration s'accomplit en ce moment parmi ceux qui l'habitent. Ceux qui font le mal pour le mal et que le sentiment du bien ne touche pas, n'étant pas dignes de la terre transformée, en seront exclus, parce qu'ils apporteront de nouveau le trouble et la confusion et seraient un obstacle au progrès. Ils iront expier leur endurcissement, les uns dans les mondes inférieurs, les autres chez des races terrestres arriérées qui seront l'équivalent des mondes inférieurs, où ils porteront leurs connaissances acquises et qu'ils auront pour mission de faire avancer. Ils seront remplacés par des esprits meilleurs qui feront régner entre eux la justice, la paix, la fraternité. La terre, au dire des esprits, ne doit point être transformée par un cataclysme qui anéantirait subitement une génération. La génération actuelle disparaîtra graduellement et la nouvelle lui succédera de même sans que rien soit changé à l'ordre naturel des choses. Tout se passera donc extérieurement comme d'habitude avec cette seule différence, mais cette différence est capitale, qu'une partie des esprits qui s'y incarnaient et ne s'y incarneront plus. Dans un enfant qui naîtra, au lieu d'un esprit arriéré et porté au mal, qui s'y serait incarné, ce sera un esprit plus avancé et porté au bien. Ainsi, le bien régnera sur la terre quand, parmi les esprits qui viennent l'habiter, les bons l'emporteront sur les mauvais. Alors ils y feront régner l'amour et la justice, qui sont la source du bien et du bonheur. C'est par le progrès moral et par la pratique des lois de Dieu que l'homme attirera sur la terre les bons esprits et qu'ils en éloigneront les mauvais. Mais les mauvais ne la quitteront que lorsqu'ils en auront banni l'orgueil et l'égoïsme. Ainsi, nous touchons au moment de la transformation morale de l'humanité et de l'ascension naturelle de la terre dans la hiérarchie des mondes. Elle, la transformation, s'accomplira par l'incarnation des esprits meilleurs qui continueront sur la terre une nouvelle génération. Alors les esprits des méchants, que la mort moissonne chaque jour, et tous ceux qui tentent d'arrêter la marche des choses en seront exclus, car ils seraient déplacés parmi les hommes de bien dont ils troubleraient la félicité.